It could have been you, all alone wondering what you're gonna do, where will you find food, when you don't have a penny to your name, when you hurt it's all the same, nobody knows your name, you're just that statistic we mentioned during campaigns. The blood in your veins is cheaper than propane. You aren't even seen as human to be treated inhumane. You are less than minimum wage at the bottom of the food chain. All the water that you saved isn't even enough to bathe. You have every right to be afraid. You see death every day, and it might be your fate before the age of 8. Have you ever seen a child in such dire need that they can't even eat? Cause it hurts when they breathe. Woe be to he who holds back what he receives. Your money is a trial, so don't be guilty of living filthy while they're living filthy. Learning to sleep with sickness and disease before you disagree. See yourself on TV and wonder who would be there to take care of me. I have basic needs, food, clothes, family, and education I can't achieve in poverty. Who will be my hero and add to my zero? I'm starting to lose hope. Can you see me in the mirror? Looking back at you from my point of view. Who's to the rescue from a life I didn't choose? Everything I've been through, will it ever improve? Man, if you only knew, it could have been you. Ça aurait pu être toi ou quelqu'un d'autre. Regarde où ta foi mérite-t-il d'être pauvre. Allah leur a situation pour nous éprouver et voir notre réaction, jusqu'à où atteint notre iman, dépluquant et descend prochain, c'est de son propre âme. Cet enfant qui ne mange pas le matin ni le soir, ou pour calmer sa faim, sa mère lui raconte des histoires. A-t-on pitié après avoir pleuré, ou c'est juste un passe-temps? Imagine-toi, ton enfant même un gorgé d'eau ne l'avale, ton cœur se fond. Tu prends des pains 4 fois par jour, pendant que eux-mêmes une goutte ne leur atteint. La gorge sec, rien à boire jusqu'au lendemain. Aime-t-on les voir ainsi, sans qu'on puisse rien y faire? Au contraire, aideront dans le chemin d'Allah pour échanger leur misère. Leur regard se projette dans le vide, aucun espoir. Malgré cela, ils croient à un seul Dieu, alors qu'on a du mal à y croire. Tu manges de repas dans la journée, tu cries la famine. Tu oses te plaindre, alors que eux-mêmes un pain pour toute la famille. Lorsque tu traînes toute la journée dans le froid, sans rien se protéger, dormir en pleurant dans le noir. Quel genre de musulmans nous sommes alors? Que nous avons attesté qu'il n'a de Dieu que Allah. Juste ces paroles, il suffit d'aider nos frères et sœurs qui crient à l'aide, ils ont besoin de nous à travers nos doigts. Un don ne diminuera rien ta richesse, au contraire, il augmentera.